Chapitre 23. Retour. Par les défilés des îles, sous l'ombre des arbres et par les vastes chenaux clairs, le petit canot allait remontant le courant, gonflé par les averses. Hélème et le petit singe y jouaient ou y dormaient, tandis que Vamirera met au long du jour. La paix a été conclue avec les orientaux. Le chien regagnait les savanes arides à l'orée des forêts. Le pauvre homme tardigrade a pu achever son lamentable exode vers le grand lac. Les Asiatiques se sont ouverts la veine du bras et leur sang a été mêlé au sang de Vamirey. Au nom des tribus sacrées, le vieillard a répudié toute guerre et Vamirey a parlé de la paix au nom des grands nomades occidentaux. Au printemps de l'année prochaine, à la troisième lune après l'équinoxe, les Bzanes enverront 30 chasseurs choisis parmi les plus intrépides, avec Vamirey pour chef. Et ces hommes viendront chercher un nombre égal de leurs alliés, conduits par le sage vieillard. Que le vent souleva l'onde en vague écailleuse, ou que la pluie la cribla de trous et la couvrit de petites bulles sautantes, toujours le canot marchait vers le nord, depuis l'aube jusqu'au crépuscule. Le bramement des cerfs, le bari du mammouth, la voix grondante des lions, saluaient au passage la petite barque frêle et l'homme ennemi. Elle allait, ils allaient, par les défilés des îles, sous l'ombre des arbres, par les vastes chenaux clairs. Et Vamirey songeait aux mangeurs de vers, à leur profonde tristesse quand vint le moment de la séparation, aux mufles lourds, aux vagues abois de leurs rires et de leurs pleurs, à la gratitude infinie de leurs prunelles, et comme ils étaient restés longtemps près de lui avant de pouvoir se résoudre à partir. Du haut d'une petite éminence, il avait salué leur départ d'un cri d'amitié, et ils y avaient répondu par leur humble mélopée de marche. Pertinaces dans l'union fraternelle qui seule les maintenait debout devant les grands fauves et l'anthropoïde, ils emportaient leurs blessés. Par les défilés des îles, par les vastes chenaux clairs, les semaines s'ajoutèrent aux semaines. Parfois le soleil versait sa douceur ardente, où se levaient les casibises, l'âpre fouet de l'hiver, où s'abattaient les rafales éperdues. Il fallait s'abriter dans les havres, dans les cavernes propices, et perdre des jours entiers jusqu'à l'éclaircie. Mais Vamirey avait la poitrine gonflée d'un gros orgueil, car il avait vaincu les embûches de la nature, l'agression des bêtes féroces et l'attaque ingénieuse de l'homme. Il réentendait, au brasier du soir, Ta, le vieillard de 120 hivers, comptant l'écroulement des montagnes, la déchirure du sol, l'abîme buvant les grands lacs. Il se voyait plus grand que Harm. L'histoire de son voyage au soir tiède, murmurée par les centenaires, ferait tressaillir le cœur des jeunes. Les pièges du fleuve, la perversité des reptiles, la férocité des fauves, l'homme des arbres, la contrée nouvelle, les hommes trapus, Hélème, les mangeurs de vers. Et il dirait, les vieillards, qu'il faut un vouloir invincible pour vaincre la nostalgie, l'effroi des longues solitudes. Encore les sourires du ciel et les rudes averses, le fleuve vert ou limoneux, le courant plus raide, les rapides et les cascades, et toujours la barque, alerte au retour avec Hélème, joyeuse ou endormie, et Vamirey tournant la rame. On sentait les pluies proches, les pluies sans fin. La tribu, réfugiée aux grottes du Haut-Pays, ne quitterait pas les savanes de l'Orient méridional avant le milieu de l'automne, et Vamirey retrouverait Zom et Namir, ses ascendants, ses vaillants frères et sa jeune sœur au bond de chevrette. Humble devant les vieux, il leur présenterait l'épouse lointaine. Par les défilés des îles, sous l'ombre des arbres et par les vastes chenaux clairs, au déclin de la Madeleine, lorsque le pôle du Septentrion gravitait vers la brillante du Cygne.